set my world on fire. No Junkie les gros, Fini, Viti, Viti, GTA, Jamila. J'évacue ma haine, cousin. T'as pas le mental. Et yo, moi j'évacue ma haine et pas besoin du percuté. Les poings serrés, faut pas compter, nous rassurer, faut percuter. D'abord compter que sur les siens, faut qu'on repère les impus. Dans la zigmu, y'a trop d'abus, y'a peu de rappeurs à l'état pur. Et casse des dits, on refrait, on soupire. Comment faire dans cette vie? Je m'enferme comme Sopic, et mal fait, j'aime le bif et la bière. Et ma haine rap d'ici, en bas de chez moi, j't'ai compressé. Escape, fais gaffe, ton rap te scie. Et puis, c'est avec les femmes que moi j'évacue. Et je propage mes gènes vocales et sans la queue car j'aime beaucoup. Écoute, maintenant je prends le rap en guise de prophétie. Ma profession à conquérir n'est vraiment pas une facile à prendre, que quand j'écris ça me permet d'évacuer. Je n'ai peut-être pas la méthode, mais je me détends devant Koé. Cousin, c'est du GTA accompagné de Jamila. Et j'aime l'art quand c'est bon et quand je suis fonce, je me lâche. J'évacue ma haine, mes peines et mes problèmes, surmonte tous mes dilemmes. Je ne vis que d'oxygène, je balance mes rimes, j'enchaîne. Sortez-moi de mes chaînes, aucun obstacle ne me freine. J'évacue ma haine, mes peines et mes problèmes, surmonte tous mes dilemmes. Je ne vis que d'oxygène, je balance mes rimes, j'enchaîne. Sortez-moi de mes chaînes, aucun obstacle ne me freine. J'évacue ma neuf, pas taf, ma nu, j'ai pas faire de cadeau, c'est pas le jour de nos Sopic, Balthazar, la grenade dans le collimateur. Pour l'évacuation, j'ai pas sans d'art, j'ai que le moteur. Je vais donc devoir taper dans la réserve pour balader la ZZ, sinon c'est la ZZ. Je fais l'effort, si je me trompe, je la découpe pour la ZZ. Là c'est sûr, moi j'ai Pélex, y'a la CZ. Rendez-vous de la Jura, le mental n'est jamais là. J'évacue ma neuf, en la présence de Jamila. Les suceurs me fatiguent et les hypocrites m'endorment. Je les affronte, lorsque plus avec mon équipe. Ouais mon gros, ce que j'ai sur le cœur, je le propage. Ouais l'esprit de partage, tu craches dans le potage. Surcharge de nœuds dans le corps, moi je l'évacue. Pour certains invaincus, je la battrai, j'ai le vécu. Moi j'évacue ma haine, mes peines et mes problèmes, surmonte tous mes dilemmes. Je ne vis que d'oxygène, je balance mes rimes, j'enchaîne. Sortez-moi de mes chaînes, aucun obstacle ne me freine. Moi j'évacue ma haine, mes peines et mes problèmes, surmonte tous mes dilemmes. Je ne vis que d'oxygène, je balance mes rimes, j'enchaîne. Sortez-moi de mes chaînes, aucun obstacle ne me freine. J'évacue ma haine, mon cœur est triste, presque assassiné. La plume qui fait que saigner et le crâne trop bassiné. Entre dettes fiscales et lettres de fans des huissiers. Les putes qui fument la pipe, les sauces qu'on le cumulé. Les sacrifices qu'on fait nos dards à la France pour pas une thune. Ces sauts dans le gouffre qui s'effectuent sans parachute. Rescapé, tu pètes un plomb que le système finit par attraper. Hier encore j'entendais qu'un frère se fait choper. Chaque action, motivation d'une bonne selon notre point de vue. Le pillage de nos bleds reste pour leur économie. Solus qui voudra bien m'expliquer comment Poutine ne pas avoir la haine. Hamdoulilah, je l'évacue à l'écoute du corps haine. Et ouais, je suis à genoux seulement devant le tout puissant. Je suis fatigué par cette oseille que je ramène dessus une blanche. L'entrepôt, parenthèse, mon salaire n'est qu'un centième de richesse. Ma haine se fait l'antigène, ma foi et son chantier. Moi j'évacue ma haine, mes peines et mes problèmes, surmonte tous mes dilemmes. Je ne vis que d'oxygène, je balance mes rimes, j'enchaîne. Sortez-moi de mes chaînes, aucun obstacle ne me freine. Moi j'évacue ma haine, mes peines et mes problèmes, surmonte tous mes dilemmes. Je ne vis que d'oxygène, je balance mes rimes, j'enchaîne. Sortez-moi de mes chaînes, aucun obstacle ne me freine.